at the altars and bow to the ground. Et ça tourne et ça tourne dans ma tête, ouais. On passe nos vies à consommer des barrettes et on se défonce sans arrêt. Putain, j'ai mal à la tête, yeah. Comme dirait Tarte, moi je fume mon spab à la fenêtre. Ouais, ils ont brisé mes rêves, mais j'ai du mal à l'admettre. Ok, j'ai grandi dans un quartier plutôt difficile. On a tous eu un peu l'habitude d'être pris pour cible. On se demandait ce qui allait se passer dans nos vies. Et putain, dix piges après, tout ce que je vois c'est la zermi. On court après un CDI, on nous cantonne au RMI. On en connaît tous quelques-uns qui ne s'en sont toujours pas remis. Puis on se fait des ennemis. À mesure que le temps passe, on essaye de s'en sortir, mais c'est dur de briser la glace. Je me sers un Jack sans glace, frérot, pour oublier ma peine. Pour oublier deux secondes que la vie nous a mis à la traîne. On avait tous des rêves qui se sont vite envolés. Mais le pire, c'est d'entendre ces bâtards dire qu'on l'a pas volé. Just keep spinning around. Yeah. At the altars, and bow to the ground. Et ça tourne, et ça tourne dans ma tête. Ma gueule, ça tourne dans ma tête, comme les condés dans la thèse. Non, j'ai pas le cœur à la fête, donc je mets des boulettes dans ma carrette. Si le rap ne paie pas, je continuerai à le pratiquer. Je fais les choses bien, mais pour le paradis, j'ai pas de ticket. Sans but, je tape un massacre, mais y'a pas de mal à ça. Non, j'ai pas les mains sales, donc je prends le mic et je kick ça. On pratique le rap sale, car ici la merde y'a que ça. Pilotage et massa, et on sombre dans l'excès. C'est type pour la tenta lyricale dans tes tympans. Dédicace à tous les types, les anciens, c'est pas les tympus. Ça les tourne dans ma tête, man, dans l'espace comme un cosmonaute. Rapper c'est devenu banal, comme voir ces gosses que les keufs menottent. RIFA, écoute, ma plume toujours au taquet. Les faux sons sur le techo, j'en profite pour contre-attaquer. On est mal vu par la France, comme Raymond Domenech. Mon secteur sub de sens, mais tu croyais dominer qui? Just keep spinning around. Yeah. While we kneel at the altars and bow to the ground. Et ça tourne et ça tourne dans ma tête, ouais. Je tiens le coup et ma béquille, c'est ma plus. Je suis un fils de la lune et on avance dans la brume, yeah. Ça fait que j'avance et ce malgré mes lacunes. Car un père on n'en a qu'un et une mère on n'en a qu'une. Ok, dans ma tête y'a des tas de trucs pas très catholiques. Normal, on a grandi entre les tocs et les alcooliques. Tu peux pas t'imaginer ce qui tombe dans nos têtes. Alors on le crache sur le beat, RIFI, FLX. Dans ma tête j'ai un pas de phase où j'gratte le papier H24 tacle. L'état et marque l'impact avec un rap intact. J'pète un câble au mic, ouais. J'suis pire qu'un câble au carbois. Tu sais que j'suis pas de cadeau, non. Pour éviter le chaos par toi, j'ai aucun compte à rendre, moi. Quand j'marche c'est la tête haute, demande à flex à Teco. Si ça clash on casse des côtes. Le rap à la classe décompose. Les faux MCs décompose. Et que les rageux aillent sucer les décomposes. Et ça tourne dans nos têtes.